Altis. Et toi, tu la regardes comme si c'était Noël, mais t'as pas vu l'ombre derrière. Mais toi, tu la regardes comme si c'était Noël, mais t'as pas vu l'ombre derrière. Mais toi, tu la regardes comme si c'était Noël, mais t'as pas vu l'ombre derrière. Mais toi, tu la regardes comme si c'était Noël, mais t'as pas vu l'ombre derrière. Mais toi, tu la regardes comme si c'était Noël, mais t'as pas vu l'ombre derrière. Mais toi, tu la regardes comme si c'était Noël, mais t'as pas vu l'ombre derrière. Mais toi, tu la regardes comme si c'était Noël, mais t'as pas vu l'ombre derrière. Y'a la caisse qui tombe, t'oublies tout le reste, tu cours, tu grimpes, tu veux prouver que t'es le best. Mais y'a déjà deux mecs planqués dans les forêts qui visent ton crâne avec un fusil réparé. Tu crois que c'est du loot, tu crois que c'est un don, mais c'est juste un piège, un test, une leçon. Raider ce qu'elle observe depuis les hauteurs, pendant tant que tu t'exposes comme une fleur. La caisse, l'eau, volante de la honte, t'as sauté comme un chien pour un os qui affronte. T'as cru que t'étais seul, frérot, regarde autour, ton stuff est tombé, et t'es tombé en retour. T'avais farm toute la matinée, full stuff, full sac, et là t'as tout perdu pour un colis en toc. T'as eu laissé ta voix micro ouvert sur Discord, mais le chat général rigolait, repeat ton record. T'es mort pour une tombe, sonné 12 balles éclatées. T'as même pas vu le piège, t'étais trop excité. Y'avait marqué danger, y'avait marqué wait. Mais t'as sauté comme un noob, direct vers ton bait. Yes, volant de la honte, pris par du loot, t'as eu ta propre tombe. T'as joué solo, t'as fini à poil. Et Raiders qui récupère tout sans faille. Y'a même un screen sur Twitter de ta mort ridicule. Ta base t'attend, mais t'as perdu tous tes modules. T'avais une roquette, ouais je l'ai maintenant. Et je vais te montrer ce que ça fait d'être imprudent. T'as mis une demi-heure à grimper sur la colline, et moi j'étais en bas, silencieux comme une mine. J'ai vu ton nom, j'ai vu ton flair, mais j'ai surtout vu ta chute. Et ton air tient perdu par terre. La prochaine fois que tu vois une caisse tomber, pense pas que c'est pour toi. Pense à moi, Raider Skill, et au flingue qui t'attend dans l'ombre. La caisse, volante de la honte, c'est pas du loot, c'est une danse de la honte. Tu l'as vu, tu l'as voulu, t'as foncé, et maintenant c'est moi qui ai tout gardé. La caisse, volante de la honte, un piège pour les gourmands, les joueurs sans front. J'suis pas cruel, j'suis juste bien préparé, et dans race, c'est comme ça.